Léa, on t'écoute. Alors, Robert Zemeckis étant un de mes réalisateurs qui me fait le plus vibrer au cinéma, ça m'en coûte de dire ça, mais aujourd'hui, je vais envoyer une pantoufle dans la gueule de Forrest Gump. Robert nous livre un film à l'image de son personnage, handicapé. La structure est nulle, les séquences s'enchaînent de manière totalement artificielle. Le personnage de Forrest est incohérent, alors que quand il est gamin, il s'exprime normalement. Une fois adulte, Forrest parle comme s'il avait une patate chaude dans la bouche. Ce personnage a beau courir, il n'a aucun but, il ne va nulle part, ce qui rend le film d'un ennui qui concurrence la grille d'Énergie 12. Cette vie n'est ni crédible ni attachante. Les morales sont manichéennes au possible. D'un côté, les méchants, c'est des méchants. De l'autre, heureux sont les simples d'esprit. C'est simpliste et c'est long. Qu'est-ce que c'est long ? Le destin des personnages dépasse l'entendement. Alors si je comprends bien, pour réussir dans la vie et même inspirer des génies comme John Lennon, il faut être un peu débile, bien écouter sa maman et suivre les ordres. Et ça pourrait être tout, mais c'est pas tout. Au contraire de Forrest, sa meuf qui représente apparemment tous les maux de la terre puisqu'elle est hippie, chanteuse et libérée, il lui arrivera que des emmerdes. Elle finira même par mourir du cancer des débauchés, le sida. En gros, l'imbécilité et la docilité, c'est bien. L'intelligence, la révolte et le désir, c'est mal. Alors, Forrest court peut-être, mais le film ne marche pas. Oh là là, bien joué! Eh oui, Léa a une minute pour démolir un classique que tout le monde a aimé.